une autre tournée. À côté, la tournée du président français Emmanuel Macron. De l'autre côté, la tournée de Sergei Lavrov, président Bandakani. Tournée rivale, pure coïncidence ou bien? Est-ce que la France va tenir rivalité? Il s'agit pas... là de certains avis de géopoliticiens. Oui, ce sont des avis qui ne sont pas assez exercés. Ils vont vite. Est-ce que la France peut faire, peut faire une rivalité avec la Russie? La Russie est au-dessus de la France à tout point de vue. Je dis bien à tout point de vue. Laisser la propagande française là, à tout point de vue. Non, la Russie est dans une dynamique, dans une démarche qui est même d'ailleurs justifié par ce qu'on appelle, nous en appelons l'intervention militaire spéciale en Russie, à l'issue de laquelle les Occidentaux ont décidé des sanctions extrêmement dures à l'égard de la Russie. Et à partir de là, les Russes font dans ce qu'on appelle la guerre, comment on dit ça, une approche holistique de ce qui les oppose à l'Occident, à savoir. En même temps qu'on fait l'intervention militaire spéciale, en même temps qu'on anticipe sur un éventuel élargissement du conflit. Hein, à partir de ce moment-là, la Russie va articuler l'opération militaire spéciale avec la nécessité de diversifier énormément et profondément ses partenaires, ses partenariats, c'est-à-dire trouver de nouveaux débouchés, par exemple pour ses matières premières. Et voilà, essayer de bâtir une architecture d'alliance au niveau global qui fait que la Russie ne soit pas isolée sur le plan international, vraiment, et que, n'est-ce pas, elle réussisse à faire comprendre à la majorité des pays du monde que le problème que nous avons, c'est l'Occident. Donc, c'est à partir de là, on comprend très bien le déplacement de M. Lavrov dans la sous-région. C'est même une tournée pratiquement africaine, parce qu'après, il est censé aller en Éthiopie, voilà l'Éthiopie, vous voyez. C'est le bon guerre. Vous voyez, l'Afrique centrale. Alors maintenant, je vais faire une analyse un peu factuelle sur le plan de la géopolitique, puisque vous avez beaucoup insisté sur la dimension géopolitique. Il n'y a pas de hasard. Quand vous voyez l'arc, c'est-à-dire que l'arc que va parcourir M. Lavrov, le Mali, à l'Afrique de l'Ouest, il n'a pas de problème. Le Mali, profondément là, et d'autres pays même font les yeux doux à la Russie. J'ai dit à l'Afrique de l'Ouest. Hein. Alors, il vient à l'Afrique centrale. Chez le président Sassou. Et qu'il là-bas, il va traverser, même si c'est par avion, il continue, mais avant l'Éthiopie. Il va passer, il va survoler, parlons comme ça, il est possible qu'il survole. Mais il est possible qu'il survole la RDC. Alors nous parlons, la population en RDC manifeste tous les jours pour demander au risque de venir. Alors nous parlons en RDC, en Goma, on est en train de fracasser tout ce qui est ONU. On demande de rentrer, de partir chez eux. C'est un mouvement historique en RDC, ça fait longtemps, c'est-à-dire qu'on a demandé qu'ils partent chez eux. Et c'est parti d'une déclaration du président du Sénat, qui a dit que vraiment, on ne sait pas ce que ce machin-là sert ici, il faut que... Bang, c'est-à-dire, c'est parti. Donc, vous voyez, et en Éthiopie, l'Éthiopie, c'est la corne de l'Afrique, c'est l'un des pays charnières de la cause, de la, ce qu'on appelle la corne de l'Afrique, qui donne directement, parce qu'à l'époque, les gens ne le savent pas, pour vous montrer l'importance de la corne de l'Afrique. À partir de l'Érythrée, ça c'est avant l'indépendance de l'Érythrée, les États-Unis avaient un dispositif en matière de communication qui leur permettait de contrôler la Russie. Oui, je vous le dis. Vous voyez l'importance. Je laisse toute la façade maritime qui fait que quand vous sortez du golfe d'Aden, vous avez toute une façade, n'est-ce pas, qui vous. C'est-à-dire, comment dire ça, c'est-à-dire, c'est un carrefour mondial. Qu'on appelle ça encore, il y a tout grand, c'est indien, je crois. Tout un grand bassin là, vous avez une grande partie du commerce mondial qui se déroule là. Près de la moitié du commerce mondial se joue là, dans le bassin indien là. Oui, et le grand bassin indien qui suit là. Vous voyez l'importance de la corne de l'Afrique. Donc c'est une visite hautement géopolitique. Hautement géopolitique. Et ça, c'est la diplomatie, c'est au niveau du ministère des Affaires étrangères. Maintenant, si on veut absolument faire le lien avec ce qui se passe avec la venue de celui que vous appelez président français, les choses sont claires. La violence de l'attaque de ce qu'on appelle la présidente française aujourd'hui au Cameroun à l'égard de la Russie et du Mali et de la Centrafrique, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. La RCA, aujourd'hui, la RCA a pour premier partenaire stratégique la Russie. Monsieur Claudia. Et la RCA est pratiquement en train d'échapper à la France. Je vous dis là, on va commencer à enseigner le russe dans les universités centrafricaines. Ça passe comme ça, mais c'est un cataclysme. Ça dit que la France se retrouve en RCA avec des universités, avec la langue russe, mais c'est pas possible. Mais les gens ne mesurent pas. Mais c'est grave. Avec le Sango Coin. Le Sango Coin en plus. Tout à fait. Avec les évolutions qu'il y a au niveau de la BA par rapport à cette monnaie. Exactement. Donc, regardez ça. Quand vous regardez la violence de la réaction du truc là qui est venu polluer le Cameroun, c'est-à-dire vous demandez, vous comprenez à quel niveau c'est grave. La RCA, regardez le Cameroun. Tout à l'heure, on vous a donné des chiffres où il y a un déclin économique total de la France au niveau du Cameroun, mais en plus d'un déclin géopolitique, je vais aller même plus loin. La virulence avec laquelle M. Macron, j'ai appelé ce truc-là, monsieur, c'est-à-dire la virulence avec laquelle il s'est exprimé aujourd'hui, n'est pas le fait du hasard, c'est le plan géopolitique, moi je vais vous dire. La force de M. Touadéra au niveau intérieur, parlons comme ça, au niveau de sa profondeur géopolitique, c'est le Cameroun. Le Cameroun, maintenant, c'est à tout moment, c'est le Cameroun. D'ailleurs, même, le président Touadéra est le protégé du patriarche pour le bien. Ils se sont protégés. Ce qui veut dire quoi? C'est que la France ne le dit pas, mais la France le dit sans le dire. Il est démontré que une telle diversification des partenariats en Centrafrique n'aurait pas été possible sans l'adoubement du Cameroun. Vous allez au Tchad. Moi, je donne. Vous allez au Tchad. J'ai longtemps démontré ça ici et ailleurs. Que la légitimité, permettez-moi l'expression, du régime de transition qui est au Tchad aujourd'hui, a été acquise grâce au président Biya. C'est quand la CEMAC, dirigée par le président Biya, décide de connaître Mahamat Déby, qu'il s'est assis, et ça a poussé. M. Macron a voulu bluffer en improvisant une visite au deuil. Après qu'il ait assassiné M. Déby. Donc, il y a des faits qui montrent que c'est grave. Alors, c'est tout l'ancien précaré français, c'est bien que le c'est tout l'ancien précaré français qui est en ébullition, Madame Capène, qui est en train d'être sérieusement déstabilisé dans le sens de la liquidation de la France. C'est de cela qu'il s'agit. Vous pouvez parler de l'Occident. Quand vous allez à l'Afrique de l'Ouest, le Mali, c'est grave. Mais à l'heure actuelle, il y a une affaire grave, l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens. Dernièrement, encore l'ONU n'est pas seulement pas. L'ONU a produit un document pour dire que Ouattara, tu es un menteur. Une vérification qui a été faite et qui montre justement que ces soldats, d'après la Côte d'Ivoire, ce sont des mercenaires. Ce ne sont pas des éléments du support national, comme l'a souligné le Conseil ivoirien de sécurité. Oui, vous êtes dans votre galanterie et votre déontologie journalistique. Ce sont des mercenaires. C'est ça, c'est pas une injure, c'est ce qu'ils sont. Vous voyez un type qui va mentir comme ça? Quand on connaît qui est M. Ouattara, criminel, terroriste, placé là-bas par qui? L'ONU et la France en particulier, qui était en première ligne. Cette affaire est grave. C'est une affaire grave. Parce que ça déstabilise davantage la Côte d'Ivoire. Ça affaiblit davantage la Côte d'Ivoire. Alors, ces développements que vous observez démontrent clairement que ça ne va pas. Madame Céleste, ça ne va pas et ça continuera à ne pas aller, c'est irréversible. Parce que manifestement, ça se voit, quel moyen la France a pour enrayer ça? Quel moyen elle a? Si la France avait des moyens, elle ne venait pas pleurnicher au Cameroun, elle ne venait pas supplier. Et en plus de ça, elle recevait une claque. Parce que quand vous l'avez vu sortir, je vous dis, quand il est sorti, n'est-ce pas, du couloir du palais pour aller à la salle de conférence, tout le monde a vu, il était tendu, il était glacial, il était angoissé. Ça se sentait immédiatement que assez très mal passé. Et la passe d'armes, c'est-à-dire la guerre de communication qu'il y a eu, qui a terminé la conférence, où il y avait d'un côté les médias camerounais et les médias français, c'est-à-dire chacun se lançait les pics, c'est-à-dire que c'était les pics qu'on lançait à travers les questions. C'était tellement clair. On sentait que l'atmosphère était grave, c'était pratiquement, elle était quasi guerrière. Et il vient supplier. Malgré ça, il n'y a rien. Il va offrir quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent offrir? Quoi? Non, dans ton avion, tu ramasses Achim Bembe, tous ces gens-là, tu, c'est quoi ça? On dit, allez créer une maison quoi, de la culture africaine à Paris, un musée africain à Paris. Ça fait rire, ça fait quoi? C'est quoi cette affaire? C'est ça qui va régler le problème là. C'est ça l'intelligence. Ça va régler quoi? Qu'est-ce que la France a offert au quoi? Ces universités, ça fait rire, ces universités, mais ça fait longtemps que les Africains se forment là-bas. Hein? Pour quel résultat? Pour quel résultat? Pour quel résultat? On peut continuer. Donc, les Russes sont des stratèges de haut niveau. Des stratèges de haut niveau. Et ils ont. Et si vous voulez savoir qui sont les stratèges, regardez le Mali. Regardez la Centrafrique. Vous ne pouvez parler que de ça. Hein? Vous ne pouvez parler que de ça. Qui sont des avant-postes? Je ne parle pas du Cameroun. Qui sont des avant-postes? Donc, vous dites, ce n'est pas. Vous avez raison, Madame Céleste. C'est pas. C'est un hasard. C'est hasard de calendrier. Mais cohérence géopolitique. Les logiques sont cohérentes. La dynamique géopolitique en Afrique centrale et en Afrique en général, n'est-ce pas, est dans une cohérence historique qui a pour aboutissant naturel le fait que l'Occident va de plus en plus perdre l'Afrique. La France, c'est-à-dire que ça, c'est complètement, c'est-à-dire, c'est acquis. Quand on a vu le visage de ce type aujourd'hui au Cameroun, on voit bien quelqu'un qui, ça va pas. D'abord, il y avait même, dans son pays, il a perdu les élections. Il a été élu à moins de 30% des archives municipales. Il est pourchassé tous les jours, le soir, les claques à l'Assemblée nationale. Mais il a même envie de fuir. Il a envie de fuir le feu intérieur. Fuir le feu intérieur pour faire la diversion dans les voyages pour bluffer et faire de la diversion. Donc pour chuter, vous me demandez de chuter. Le voyage de M. Lavrov est un voyage important sur le plan de la géopolitique. C'est un voyage déterminant qui prépare des choses. Et vous ne tarderez pas à voir ces choses-là. Que ce soit en Afrique centrale ou bien en Afrique de l'Ouest. Afrique Média. Le monde, c'est nous.